Fani pemero, gera sujano babona yo, na t'aime, oui, la Léo. Je lance mon cri d'alarme, te perdre serait la fin de ma vie. Yeah.